إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسنرى مع بعض بإذن الله عز وجل بعد مسألة التي تتعلق بشهر رمضان وقد اقترب هذا الشهر المبارك. Donc nous allons voir avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala quelques points ou quelques sujets qui ont ou qui sont en rapport avec le mois du Ramadan. Ce mois béni qui est très rapproché. Donc le somme Al-Siyam, notre somme, le ratan c'est Al-Imsak. Al-Imsak. Donc le jeûne, dans la langue arabe, veut dire en vérité la retenue, le fait de se retenir. Donc de se retenir, Al-Imsak. Que ce soit dans pour le fait de jeûner ou pour le fait de faire autre chose. Le fait de se retenir, on dit Al-Imsak. Et ça c'est Al-Somme. Et Shara'a, donc dans le lexique juridique, c'est Al-Imsak Binniyati Al-Muftirat Min Tulu'i Fajri Thani Ila Ghurubi Shams. Donc Shara'a, c'est le fait de se retenir avec intention bien sûr, donc de se retenir de tout ce qui annule le jeûne. Al-Muftirat, donc c'est ce qui va annuler le jeûne. Car Al-Akal Shurb Wa Ghiri Zalika Min Tulu'i Fajri Thani. Donc au lever du soleil, donc c'est-à-dire lorsque le fajr, l'aube, vient, donc le deuxième, car il y a el fajr al-kadhib, el fajr al-thani, ou bien el sadiq, l'awwal wa al-thani. Il y a en réalité deux fajr. Et le premier, donc, c'est, il annonce une lueur. Le premier fajr qui est faux, c'est-à-dire en réalité, il n'annonce pas l'heure de la prière. C'est pour ça qu'on dit il est faux. Il ressemble à celui qui va annoncer l'heure de la prière. Et donc il est généralement pas loin d'une heure avant, il y aura une lueur. Et on aura l'impression que cette lueur, en réalité, elle va, justement, elle va faire que le jour va venir. Et puis le noir revient, la nuit revient. Et après, il vient le Fajr al-Thani. C'est pour ça qu'il dit Al-Fajr al-Thani, bil-lugha arabiya, hatta an-nas yafhamu bi-anna hadha laysa al-Fajr al-Awwal. Ila ghurubi ash-shams, jusqu'au coucher du soleil. Donc le soupe et le maghrib. Hein, maintenant on connaît les heures de prière, donc du soupe jusqu'au maghrib. Le hukmuhu, hukmu sawm, shahr ramadan, taman fardun, min furudillah azza wa jal. Fanassahu Allah azza wa jal fi kitabihi, wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa ajma' al-muslimun ala dhalika. Ajma'al muslimun ala zalika. Donc son statut, c'est que c'est une obligation. C'est un fard. C'est fard de haïn dès que la personne en a la capacité. C'est une obligation pour tout un chacun. C'est un pilier d'islam. Il retrouve donc l'obligation dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus des imams. Dans le consensus des musulmans. Tous les musulmans sont unanimes pour dire que c'est une obligation. Allah dit, Ya yuhalladina amanu kutiba alaykum siyam. Oh, ceux qui ont cru, yayuha alladina amanu, fa Allah azza wa jal yunadi ahl al-iman, fa nida ahl al-iman nida'un muhimmun jiddan, fa ala al-muslim an yantabih wa an yas'a ila ma amara Allah bih. Kutiba alaykum as-siyam. هذا هو الدليل على وجوب الصيام على وجوب الصيام هذا هو الدليل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم إذن الصيام يعني كان كذلك واجبا على الأمم التي كانت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تتقون، يعني لعل الله عز وجل يجعلكم من المتقين. فهذا هو السبب أو هذه الغاية، اتقوا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يريد من قبل هذه الأوامر أن يكون عبده من المتقين. لذلك لما الله عز وجل بدأ بصفة المؤمنين في كتابه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. أول صفة التي جعلت المسلمين التقوى، هدى المتقين. الله سبحانه وتعالى dit donc le, on a vu que le statut du jeûne c'est qu'il est obligatoire pour chaque personne tant que la personne en a la capacité. Et Allah dit donc oh ceux qui ont cru, il vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'entre vous, à ceux d'avant vous, en espérant que vous craignerez Allah, en espérant que vous atteindrez en vérité le degré de la crainte. Lorsqu'Allah dit « Oh, ceux qui ont cru », chaque musulman en vérité doit prêter attention fortement, car c'est un appel pour les croyants. Et le musulman, c'est le croyant. Et le musulman, lorsque Allah l'appelle, il prête attention, il prête l'oreille, il reste attentif dans ce que Allah lui demande. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit au peuple avant vous. Donc on voit que le jeûne, ce n'est pas une adoration qui s'arrête que à nous. Allah subhanahu wa ta'ala l'a même demandé aux autres. La même demander aux autres. Non. Car Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous de la patience. Veut de nous de la patience. Sur quoi? Et parmi les patiences les plus évidentes et les plus flagrantes, c'est bien le fait de patienter contre justement, vis-à-vis ou face à face de quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Manger, boire, avoir des rapports et autres. Ça, c'est des délices journaliers. Donc délaisser ça, c'est une preuve de patience. Parce qu'une fois qu'on est habitué à quelque chose, il est difficile de le délaisser. Comme il est écrit, donc, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, en espérant que vous allez atteindre le degré de piété. Là, la contacta qu'on espère, et c'est ça le but. Ça, c'est le réel but. C'est d'atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'atteindre en réalité, donc, ce degré de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un peu ce que Allah Azzawajal fait donc vis-à-vis donc l'adoration, elle amène à quelque chose, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle dit aussi subhanahu wa ta'ala شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن لأن الله عز وجل أنزل كتابه القرآن الكريم على مواقع النجوم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال أنه نزل على مواقع النجوم في شهر رمضان ثم نزل تترى ثم نزل حسب المواقع حسب الأحوال. بعض الآيات نزلت في الحج وبعض الآيات بعد رمضان بعد رمضان وبعض الآيات قبل رمضان حسب الأحوال في هذه الدنيا. أما في السماء الأولى في السماء الدنيا في ليلة القدر في ليلة القدر. Donc Allah ici dit le mois du Ramadan où le Coran a été descendu, où le Coran a été descendu. لأن العلاقة بين القرآن والصيام قوية جدا. أليس في رمضان نقرأ القرآن ونختمه في التراويح مثلا أو في القراءة في البيوت؟ أليس جبريل يعني ختم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن مرتين في أو مرتين يعني في شهر رمضان مع أن كان يختمه يعني لكل شهر مرة واحدة. Le mois du Ramadan où le Coran est descendu. Le Coran était descendu au premier ciel, à l'emplacement des étoiles, comme le dit Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, à l'emplacement des étoiles. Et après, il descend bien sûr sur la situation, selon ce qui se passe. Selon la vérité, donc il y a des versets qui sont descendus pendant le Hajj, il y a des versets qui sont descendus donc dans d'autres situations. C'est selon les situations. Mais il est descendu entier au premier ciel, donc auprès des étoiles. Et on voit qu'il y a une relation entre le Coran et ce bois, et les gens le savent. On prie le Tarawih, on termine le Coran. Et Jibril, alayhi salatu wasalam, est venu donc enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran, ou faire répéter au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran, donc deux fois dans le mois, alors que d'habitude c'était une fois par mois, et là deux fois. Et que Zalika est aussi, donc on le lit nous-mêmes. On le lit nous-mêmes. Donc Zalika, Sahaba, ou Ba'd al-Salaf, كانوا يقرؤون القرآن يعني في ثلاث أو ثلاثة أيام أو سبعة أو تسعة أو عشرة أو خمسة عشر حسب كانوا يختمون القرآن يعني أو يختمون القرآن يعني عدة مرات في الشهر tandis que les compagnons et les plus prédécesseurs donc ils lisaient beaucoup le Coran pendant le mois du Ramadan voire ils le terminaient en trois jours cinq sept neuf même plus ou bien ça dépendait des jours donc ça dépendait en vérité bien sûr de leur rapidité de lecture ou bien de leur façon de lire. Il le terminait donc plusieurs fois en réalité par mois. Il le terminait, il le recommençait, فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيَّنَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى. Donc c'est une guide pour les gens et avec des choses qui vont, donc des versets clairs en vérité, donc بَيِّنَاتٍ, des éclaircissements de cette guidée. Donc c'est une guidée non plus qui éclaircit. إِذَا كَانَتْ هَذِهِ بَيِّنَاتٍ بِمَعْنَى مَفْهُومَاتٍ فالشخص الذي وفق وفق لذلك الله سبحانه وتعالى يعني وفقه حتى يفهم هذه البينات هي بينات فالذي لا يفهم ولا يريد لا يريد ان يفهم لانه هو كلف نفسه لفهم اشياء اخرى الله يجي ici avec les éclaircissements de cette guidée. Le fait qu'on voit que c'est les éclaircissements, normalement ça devrait être facile pour tout le monde d'être guidé, pour tous les musulmans. Pourtant, on voit beaucoup de musulmans faire des fois des choses qui sont différentes, car en vérité, ceux-là veulent interpréter et ils se fatiguent à interpréter alors que les choses sont claires. Et c'est leur fatigue, c'est le takalluf, c'est ça qui les a ramenés en vérité à leur égarement. Alors que c'est bayyinat. Ou al-furqan, kazalika. Il y a al-furqan du man al-faq. Donc al-furqan, c'est le fait de discerner bayna al-halal wa al-haram. وبين الصحيح والسقيم والصحيح والباطل. Donc c'est aussi par rapport à hein, donc par rapport à ce qui est vrai à ce qui est faux. Donc ça le furqan, elle va être discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهناك دليل على إذا جاء أحدنا وهو من الذين نثق به وهو يقول لنا خلاص رأيت الهلال رأيت دخول الشهر فنحن نصوم لرؤيته. Donc ici, donc si quelqu'un d'entre vous voit ce mois, donc il le jeûne. Et c'est une preuve que si quelqu'un verrait, quelqu'un de confiance verrait le mois, normalement on jeûne après lui. On jeûne d'un, on jeûne parce qu'on doit, on a vu qu'un musulman de confiance qui a vu que le mois a commencé. Il a vu la lune, il a vu donc ce mois commencer. Donc Kazalika, il a dit là, التي تدل على فريضة الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بيت الله عز وجل. Donc ici الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم dit بني الإسلام على خمس فهذا مفهوم جدا. Donc c'est très clair le fait que l'islam est basé sur cinq points, sur cinq piliers. هذا الدليل واضح على أن الزكاة الصوم يعني فريضة من ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام. Ça c'est une preuve évidente que en réalité donc le jeûne c'est un pilier parmi les piliers d'islam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان. Donc le jeûne est le mois du Ramadan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموه. Donc si vous le voyez ce mois donc jeûnez, jeûnez donc. فورث من أركان الإسلام. وكذلك هذا الشهر يعني له أكحل فواضل أو فضائل وفوائد رحمه الله فضائل وفوائد. N'est-ce pas qu'il y a en réalité donc des bénéfices dans ce mois? Fa l'ulama yansahuna al-umma وينصحنا المسلمين في كل مكان بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك بتقوى الله عز وجل والمسابقة إلى كل خير والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى والحذر من كل ما حرم الله عز وجل من سائر المعاصي في كل مكان ولا سيما في هذا الشهر الكريم لأنه شهر عظيم تضاعف فيه الأعمال الصالحة وتغفر فيه الخطايا لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا هو العالم الرباني العالم الرباني دائما ينصح ويوصي أمته لأن الأمة عنده بمنزلة الأولاد لأن الأمة عنده بمنزلة الأولاد Donc ici c'est un conseil de savant من فضيلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنه Donc الشيخ بن باز يدير رحمه الله vis-à-vis d'un conseil à l'entrée du mois du Ramadan. Donc il dit, je conseille mes frères musulmans dans tous les endroits, partout, c'est-à-dire à l'occasion de l'entrée du mois du Ramadan béni, de craindre Allah Azza wa Jal, et de s'empresser à faire toutes sortes de bien, et de se recommander le bien et la patience dans ce mois, et de s'aider, de s'entraider dans l'obéissance et la piété, et de se protéger, se prémunir, et de prévenir les gens contre tous ceux dont Allah Azza wa Jalla a interdit. Donc tout type de péché, partout, où que ce soit, et spécifiquement bien sûr pendant ce mois du Ramadan, ce mois qui est béni, qui est en réalité généreux, béni. Et « Anna usha al-Azim » Donc là en réalité c'est un mois qui est important, énorme. Et les bonnes actions pieuses, en réalité les hasanat donc sont multipliées. Les bonnes actions en réalité ici, donc on va retrouver plutôt beaucoup de plus d'actions, beaucoup de plus de bonnes actions pendant ce mois que dans les mois, les autres mois. Et les péchés, ils sont effacés pour celui qui va jeûner ce mois avec foi et en espérant la récompense d'Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne pendant le mois du Ramadan, imanan, avec foi, wahtisaban, en espérant la récompense d'Allah azzawajal, lui sera pardonné tous ses péchés passés. Tous ses péchés passés. Donc d'où l'importance en vérité de ce mois. Celui qui est malade. Inch'Allah, je te réponds après le dars, à la fin du dars. Je te réponds tout à l'heure. Tout à l'heure, je te réponds, Inch'Allah. Voilà, prolifique. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فعلا يعني رحمة من الله عز وجل ومساعدة من الله عز وجل للمسلمين لأنه يسر لهم الشهر يعني الصيام في هذا الشهر بدون تعب وبدون وسواس Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le mois du Ramadan entre, les portes du paradis sont ouvertes, et sont fermées les portes de l'enfer, et les djinns sont enchaînés. Enchaînés, donc ils sont enchaînés. Donc en réalité, c'est une facilité pour nous. Et Allah nous a donné en réalité donc cette miséricorde, cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse en réalité jeûner plus facilement. C'est une facilité. Non seulement il y a beaucoup de hasanat, mais en plus Allah nous donne la facilité de cela. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهد فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم وكالجي صلى الله عليه وسلم الصوم يعني جنة الجنة بمعنى يعني وقاية الجنة لا يرى الجنين في البطن لا يرى الجن لا يرى فهو كأنه في وقاية Donc la réalité de Jundas, ce qui veut dire en réalité donc protection. Et tout ce qui est protégé, on ne le voit pas de façon générale. Le paradis, on ne le voit pas. Le djinn, on ne le voit pas. Le bébé, dans le ventre, on ne le voit pas. Il est protégé dans ce ventre. Donc tout ça, c'est ça le Jannah. Lorsqu'on parle de Jannah, on parle de jardin, en réalité, même si on veut dire des jardins touffus, dans le sens où tout cache, tout est caché. C'est-à-dire des jardins touffus, en réalité, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a aussi le djinn, il y a aussi donc, le Jannah, parce que c'est des jardins touffus, et aussi, comme on a dit, donc le djinn, le ventre. Donc l'enfant qui est dans le ventre. Ils sont protégés. Et ce mot djumna, il a à voir sa même racine que pour cela. Donc c'est une protection. Et si donc vient le jour de jeûne, ou si quelqu'un donc d'entre vous jeûne, qui ne dit pas en réalité de mauvaises choses, et qui ne fasse pas aussi de mauvaises choses, et si quelqu'un veut donner à l'insulter ou le combattre, qu'il dise je jeûne, donc il ne répond pas, ni par la langue ni par la main. Il va ne répondre ni par la langue ni par la main, car il dit inni sa'im, il le laisse, afin en vérité de ne pas perdre la récompense du jeûne, s'il venait en vérité à l'insulter. Il t'insulte, tu réponds, donc tu risques en vérité de perdre la récompense de ton jeûne. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني هذا الحديث يعني في الحديث القدسي سنفرد الله سبحانه وتعالى ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. Donc le prophète Allah Azza wa Jal dit, donc c'est un hadith qui est Qudsi, c'est la parole d'Allah, mais c'est le prophète qui l'annonce. Ça c'est la différence, c'est pas pareil que le Coran. On n'aura pas dit hasanat si on lit chaque harf du hadith Qudsi. Il y a plusieurs différences par rapport à cela. Par rapport à ce qui est hadith Qudsi et ce qui est le Coran, c'est pas pareil. Donc chaque œuvre du fils d'Adam est pour lui. Et la bonne action est multiplié par 10, sauf le jeûne. Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui le récompense. C'est-à-dire que c'est délaissé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on comprend que c'est bien plus que cela. C'est bien plus que ce qu'il a décidé de s'empresser à donner comme récompense. Il a délaissé ses passions et sa nourriture. Donc et sa boisson pour moi. Et le jeûneur a deux. Donc il est heureux deux fois. On le retrouve, il a deux contentements. Il est heureux lorsqu'il rompt le jeûne, donc un intelfitr, donc lorsqu'il casse son jeûne, lorsqu'il va rompre son jeûne, et aussi lorsqu'il il est encore une fois heureux, deuxième fois, lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Être heureux, une fois que tu rencontres ton Seigneur, le jour où, un jour terrible, c'est que les hasanat, elles sont vraiment énormes, pour que tu sois heureux le jour où tout le monde a peur. C'est que quand tu vas savoir cela, quand tu vas connaître ta réponse, tu vas être trop heureux. Alors que normalement, les gens à ce moment-là, ils sont comment? Ils sont mal à l'aise, ils sont pas à l'aise, ils ont peur. Tout le monde a peur. Au point où on croit que tout le monde est sous, tout le monde est ivre. Tellement en réalité, ils sont mal. Ils ne se soucient que de ce qui va leur arriver. Et l'odeur donc, qui ressort de la bouche du jeûneur est encore plus bonne auprès d'Allah Azzawajal, donc est plus bonne, donc c'est une très bonne odeur, que le vent, hein, qui en réalité l'odeur du misk. Et pourtant, lorsqu'il mentionne le misc, on comprend que c'est le meilleur parfum. Le meilleur parfum qui est au paradis, c'est le misc. Mais cette odeur-là est encore meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors imaginez-vous. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il bâchit aux ashabahu, bidoukou le ramadan, fayakoulou lahum, atakoum shalom al ramadan, shalom baraka, yunzilou allahu fi rahma, wa yuhottu al-khataya, wa yastajibu al-dua. ويباهي الله بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. Donc voyez ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il annonce la bonne nouvelle à ses compagnons. فقال أتاكم شهر رمضان. ذكر ووصف هذا الشهر بمبارك فيه بركة وفيه رحمة. من الذي من منا لا يريد أن يستفيد أو أن ينال هذه البركة وهذه الرحمة. وكذلك يحط من خطايا والدعاء مستجابة ويذكرك الله عز وجل يذكرك في من عنده عند من عنده يعني الملائكة. Donc ici, on voit tous les bienfaits qu'il y a dans ce hadith. Le Nabi صلى الله عليه وسلم dit, vous êtes venu le mois du Ramadan. Un mois béni, premièrement. Allah, il descend la miséricorde. Il y a la bénédiction, le baraka. Il y a en plus la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il enlève les péchés. Il répond et il exauce les quoi? Les invocations. Si on peut trouver mieux, qu'on cherche. Il n'y a pas mieux que ça. le fait que tu sois béni, le fait que tu reçois la miséricorde, le fait que tes péchés soient effacés, et le fait qu'en plus que tes doigts soient exaucés. Trouve-moi mieux que cela. Tu ne peux pas trouver mieux que cela. Et en plus, Allah Azza wa Jal mentionne ton nom auprès de ceux qui sont près de lui, auprès des anges. Al-Muqarraboun, Jibril, wa Mika'il, wa Israfil, wa Hirun. Les anges qui sont près d'Allah Azza wa Jal, les meilleurs anges, ceux qui ont les meilleures fonctions. Donc les trois et les autres. J'ai cité ceux qui sont connus et les autres. Donc montrez à Allah de ce qu'elle met entre vous, de ce qu'elle met en de vous. Montre à Allah Azza wa Jal ce que tu sais faire de mieux dans ton adoration. N'est-ce pas que si quelqu'un était bon au sport et qu'il doit justement montrer, il y a donc une entrevue devant un entraîneur au corps, il va montrer le meilleur de soi-même. Celui qui ose la même chose dans le travail, il va montrer le meilleur de soi-même. Donc pendant le mois du Ramadan, montre le meilleur de toi-même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, Allah Azza wa Jal ici, il montre car. Shaqi, il a appelé donc celui qui ne va pas profiter de cela. Le malheureux, c'est celui qui a été quoi? Qui a été, en fait, privé de la miséricorde d'Allah. Il est privé de la miséricorde d'Allah pendant ce mois-ci. C'est un malheureux. Car c'est un mois où Allah facilite les choses, et pourtant les gens ne font pas ce qu'il faut. Donc ce sont des malheureux. Quel est le nez? Had shuyukh, wa fi Saoudia, quel est le Moukin Amro, Moukin Sibay. أكثر. قال لما كان صغيرا قال لما كان صغيرا يتذكر أن أباه كان يغلق الدولاب الشيء يضعه يعني على علبة ويضع الشيء يضعه على علبة ويغلق الدولاب ولا يفتح الدولاب إلا في العيد وكانوا يبقون في المساجد 10 ساعات. Il y a un ancien qui dit ça, donc c'est un chir d'Arabie Saoudite, il y a plus de 70 ans. Il a dit, je me souviens que quand j'étais petit, le sachet de thé, on le rangeait, on le mettait dans l'armoire, on fermait l'armoire et on ne touchait pas pendant le mois du Ramadan. Il n'allait pas perdre de temps. Même pas pour parce qu'on s'est connu que c'est le thé, ça prend du temps, on discute ensemble, c'est une ambiance. Là, même pas ça. Il est resté au moins 10 ans dans la mosquée. C'était en vérité le mois du Ramadan, parce qu'il le passait dans la mosquée. La dernière journée, ils allaient, après ils vont prier ça. Ils passaient énormément de temps dans le masjid. Hein, donc pour lire le Coran, pour le réviser, pour les doigts, pour peut-être écouter un dars, mais pour rester en vérité dans l'ambiance. Il faisait le thé. Wal an al-aks. Yani asbaha hatta al-kuffar. Yani yabi'un al-ashya. Alati ma kanu yabi'unaha fi ghayr Ramadan. Bikithra. Fa asbahna ka'anna yani yati al-harb yani ba'di ayyam. Ka'anna al-harb yati ba'di ayyam nakhaf. Fa nashtari wa nashtari wa namtali. أصبح يعني الباطن العكس يأكل ويأكل ويأكل. Maintenant c'est le contraire. Les gens ils mangent. On voit que même ceux qui ne sont pas musulmans, donc les mécréants, ils vont même eux-mêmes remplir leur magasin de choses spécialement pour nous parce qu'ils vendent beaucoup, on achète beaucoup. Donc en vérité c'est pas ça le but d'acheter beaucoup. أصبح يعني شر السوق وصل شر يعني أكل وشر وليس بالصحيح. Donc en vérité c'est devenu le mois du repas, c'est devenu le mois de la de quoi de manger, de boire seulement, mais c'est pas vrai. Takul, ikit taqawwa faqat. Hein? Limada takul wa tashrab. Hatta yuqawwik Allah azza wa jal li ibadatihi faqat. Lidhalika qala an-nabi samiyani as-suhur baraka. Bien sûr, tu vas manger, tu vas boire, mais en vérité, pour que en vérité tu prennes des forces. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que as-suhur, donc le repas que tu prends avant souffle, baraka. Limada fihi baraka. Li'anna yani fihi ma tahtaj. إلى أن تتقوى أو أن تقوي نفسك لكي تكون مستعدا لهذا اليوم. En vérité, c'est pour que tu te renforces, pour que tu prennes des forces, pour que tu sois prêt à ce jour. لأي شيء لاستعادة بأي شيء بالعبادة للعبادة وليس لشيء آخر. C'est en vérité, tu prends des forces pour que tu puisses mieux adorer Allah Azza wa Jal. Parce que quand tu ne manges pas, tu peux avoir des maux de tête. Tu n'as pas fait le suhoor, des fois c'est mal dans la journée. Ceux qui n'ont pas fait le suhoor, ils le remarquent. Si des fois tu le rates, tu te sens mal. Et quand tu te sens mal, tu n'as pas le goût de faire quoi que ce soit. Tandis que quand tu as bien mangé, donc tu prends des forces. Et quand tu prends des forces, tu as plus de force pour lire le Coran. Parce que les lectures, c'est clair que ça prend de l'énergie. Et à un moment donné, tu peux en sortir donc justement d'Ukhadi. Hein, donc en vérité, donc justement, tu peux être étourdi. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصوم ليس فقط يعني الإمساك عن الطعام وعن الشراب، وإنما الإمساك عن المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم يسمى في الحديث que le fait de se retenir c'est pas juste de manger ou de boire mais c'est en vérité de se retenir contre tout ce qui est interdit. Donc il dit صلى الله عليه وسلم celui qui ne délaisse pas donc le faux témoignage et le fait de le mettre en pratique et toutes les actes d'ignorance, donc en vérité il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin en vérité de délaisser en vérité sa nourriture pour, aux yeux d'Allah, auprès d'Allah. Hein, auprès d'Allah, il n'a pas besoin en vérité de quoi? De délaisser sa nourriture et sa boisson. Et on retrouve en vérité beaucoup de preuves du Coran ou de la Sunna par rapport à cela, par rapport aux bienfaits du mois du Ramadan. والمنافسة في جميع أعمال الخير ومن ذلك الإكثار من قراءة القرآن بتدبر وتعقل. فيوصي المسلمون أو المسلمين بالاستقامة يعني في النهار وفي الليل، والمنافسة المسابقة على فعل الخيرات بالإكثار من قراءة القرآن بتدبر. Donc le fait en vérité de quoi il conseille d'être droit de jour comme de nuit et aussi en vérité de se concurrencer dans les biens, dans tout type de biens et de lire beaucoup le Coran avec méditation, avec réflexion. Donc en réalité, les commandements du prophète, il lisait avec donc, réflexion, avec méditation, et il s'arrêtait sur le verset qu'il ne comprenait pas. Donc il demandait au prophète s'il ne comprenait pas, ou bien il demandait aux compagnons qui comprenaient, qui avaient en réalité l'explication de cela. كم من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Combien en vérité de compagnons sont venus voir le prophète صلى الله عليه وسلم parce qu'ils ont entendu ce que vous cachez ou bien ce que vous montrez et ce que vous cachez, Allah va vous juger dessus. فخافوا أو يعني أو نحاسب أو نحاسب يعني فيما نخفي. Ils ont dit, on va être jugé sur ce qu'on cache. Donc le verset qui vient après, comme quoi que Allah ne va pas en vérité te faire porter donc le fardeau de ce que tu ne peux pas en vérité tenir, de ce que tu n'es pas capable en vérité de supporter. Et c'est justement par rapport à ça en vérité, il est venu, c'est un tefsir de ce qu'ont dit les compagnons, mais c'est aussi une aboration de ce verset-là. Parce que si on était jugé de ce qu'il y avait à l'intérieur, on sait très bien ce qui nous arriverait. Hein, ce qui est à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Avec ça. À l'intérieur, ça va vite. Et c'est n'importe quoi souvent. Mais, l'habitude qu'on ne fait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que les compagnons ont dit ça. Ils savent très bien qu'ils ont peut-être mal pensé sur quelqu'un. Ils ont peut-être voulu ceci, voulu cela. Et là, non. Donc là, ils ont, Alhamdulillah, Allah Azzawajal a dit que Allah Azzawajal donc, ne va pas porter en vérité la charge plus forte en vérité de ce que tu puisses en vérité réussir à porter. Donc, bitatabbur wa ta'ammul. Wa al-iksar min al-tasbih, wa al-tahmid, wa al-tahlil, wa al-takbir, wa al-istighfar. Donc, il doit dire beaucoup. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. لأن الشيخ فهم بأن الله عز وجل بعد القرآن هذه الكلمات أفضل وأحب كلمات إلى الله عز وجل بعد قراءة القرآن. Les meilleures paroles Après la lecture du Coran, c'est de prononcer Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Wa hunna min al-Qur'an. Et elles font partie du Coran. Wa fihi, yani al-Tawhid. Kullihi. Il y a en vérité dans ces paroles-là toute unicité. Min al-Nafi wa al-Ithbat. Le fait de renier, et le fait de quoi ? D'affirmer. Le fait de renier, en vérité, tout ce qui vont prêter à défaut, parce qu'Allah est parfait, et le fait de, donc ça s'est renié, et le fait d'affirmer tout ce que, en vérité, tous les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, le tesbir, c'est le fait de renier tout ce qui est mauvais, et tahmid, c'est le fait d'avouer tout ce qui est bon. Et tahlil, donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, car c'est la meilleure parole, afdal al-hasanat, la ilaha illallah, afdal al-hasanat. Wa takbir, Allah akbar, لأن الله عز وجل أكبر من كل شيء لذلك جعل هذه الكلمة أول كلمة في الصلاة c'est pour ça qu'Allah عز وجل a mis cette parole là Allah akbar la première parole de la prière لأن كل أو كل لأن كل ما في الصلاة راجعة أو مفسرة لما في الله أكبر tout ce que tu dis ta prière a à voir en vérité il revient et explique en vérité ce qu'il y a dans Allah akbar comme le dit Ibn Qayyim rahmatullah alayhi والاستغفار ففهم الشيخ أن هذه الكلمات من أفضل الكلمات لذلك يعني وضع مباشرة بعد القرآن الشيخ ابن عباد رحمه الله grand savant il a compris que c'est soit les paroles les plus importantes après le Coran c'est pour ça qu'il est mentionné حتى سألوا الشيخ يعني في شخص الذي قالوا الآن في شخص يعني على السرير قد سيموت بعد قليل يعني مريض جدا يعني هو في غمرة الموت فقال الشيخ ابن باز فماذا يفعل ماذا يفعل الان فاجاب الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يكبر يسبح ويحمد الله عز وجل ويهلل ويكبر كذلك فالشيخ ابن باز il a répondu donc lorsqu'ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui est sur son lit de mort il risque de mourir bientôt الشيخ ابن باز il a répondu رحمه الله عليه donc qu'ils disent donc سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر car en fait ce sont des paroles qui sont très importantes فذكروا أن هذا الشخص ما كان يقرأ القرآن. Ils ont dit que cette personne en fait elle ne pouvait pas lire le Coran. Est-ce qu'elle peut faire autre chose par rapport à cela? Elle ne connaît pas le Coran. Elle ne sait pas lire. Donc il a mentionné donc ces paroles-là. D'où l'importance en fait de ces paroles. وسأل الله عز وجل الجنة وتعوذ به من النار وسأل دعوة الطيبة. Et après il dit donc de يدعو الله عز وجل الجنة لكي يدخل الجنة ويتعوذ من النار. وما يعني ومن الأعمال التي تقربك من الماء. La vérité avec aussi donc lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jalla le paradis et tu lui demandes aussi qu'il te facilite les œuvres qui vont te ramener au paradis. Et lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jalla de te protéger contre l'enfer, tu lui demandes aussi de t'éloigner des œuvres qui te ramènent à l'enfer. Et bien sûr toutes les invocations qui sont bien. Il dit as-salat wa ad-du'a. فهكذا. وكذلك لما خلص خلص من ذلك بدأ بالصدقة بالإكثار من الصدقة ومواساة الفقراء والمساكين donc le fait de donner beaucoup d'aumônes et d'être bien, de se rapprocher et donc d'être doux et en vrai d'avoir des liens donc, donc c'est des affinités de s'affilier en vérité avec les pauvres الفقراء والمساكين الفقر ما عنده شيء أما المسكين عنده شيء لكن ما يكفي هذا الفرق بينهما دونك الفقير ما عنده شيء اما المسكين عنده بعض الاشياء مثل يعني البحيره هذه السفينه هذه كانت المساكين يعملون في البحر كانوا عندهم هذه السفينه دونك ما عندهم فقط يعني ما يكفيهم وما يكفي لهم دونك ici il dit d'aider en réalité les pauvres donc on va dire les très pauvres et les pauvres pour être plus clair le fakir il est très pauvre le miskin il est pauvre le fakir il n'a rien Mais le miskin a juste de quoi souvenir et encore c'est juste. Comme les trois qui étaient, donc les enfants, ceux qui avaient le bateau, dans ce truc-là, ils ont un bateau pour pêcher. Ce sont pourtant des pauvres, mais ils ont un petit peu de matériel, de quoi en vérité essayer de les aider à s'en sortir. Mais le fakir, il n'a rien du tout. C'est ça la différence entre les deux. Et le fait de payer la zakat et de la donner à qui la mérite. لأن أصبح الناس الآن يعطون الزكاة للمراكز واحد المراكز غنية جدا مراكز إسلامية تكتب الزكاة وممكن هي تضع الفراش والزكاة ليس للفراش وليس للبوية وليس للميكروفون إنما لهذه الأصناف التي ذكر الله عز وجل في كتابه فكيف الشخص يصرف عن غيري مستحقها لأن هذه ما تأتي من الزكاة تأتي من الصدقات تطوعا تأتي من بذل الجهد من المسلمين Maintenant, on voit que les gens, ils profitent surtout de ceux qui sont des associations, des grandes mosquées ou quoi. Ils prennent l'argent, ils prennent les zakat en vérité pour continuer à embellir la mosquée. La zakat, elle n'est pas faite pour ça. Alors, Azzawajal, il est bien mentionné qui mérite la zakat. Donc, il est interdit de l'échanger. Et si on veut construire la mosquée, si on veut ceci, ce n'est pas que la zakat, c'est avec notre bon cœur. C'est avec nos zakat. Mais pas avec les zakat. Parce que les zakat, elles ont... Donc, elles ont quoi? Elles arrivent à quelqu'un bien particulier. Et c'est pas pour justement des fois des associations qui sont riches et qui veulent encore des fois embellir la mosquée, acheter des tapis de la moquette, de la peinture ou du microphone ou autre. C'est pas fait pour ça. C'était pour celui qui en a besoin et qui fait partie des pauvres. Et lui, avec ça, il va au moins s'acheter la nourriture, il va s'en sortir. Et c'est pas fait pour les mosquées. Après, le reste, c'est quoi? C'est ça d'Akatatawa. C'est le fait de faire du bien, tout simplement. C'est le fait de faire du bien et qui n'a rien à voir avec la zakat. Donc regardez un peu Cheikh, il mentionne pas comme ça. Ceux qui comprennent en réalité ce qu'il y a derrière ces phrases, ils comprennent en réalité la richesse de ces paroles-là. « Ma'al inayati bidda'wati l'Allah subhanahu wa ta'lim al-jahil » Yani, « Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu al-nas »« Wa ajwadu ma'yakun fa ramadan » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le plus généreux. Et il est encore plus généreux pendant le mois du ramadan. Donc la générosité, elle ne s'arrête pas juste à donner du pain. Elle s'arrête en réalité même à donner des bonnes paroles, à tout faire. C'est pour ça que chéri, il mentionne encore. Et en réalité, c'est un moment. Parce que les gens, ils sont en train de... Comme il y a une signature qui m'agit, ou elle m'agit, il y a un tel. Ramadan. Ou à base de la latarahum, tout le sein. Combien de gens, on les voit venir pendant le mois du ramadan dans la mosquée. Après, toute l'année, on ne les voit plus. Toute l'année, on ne les voit plus. Mashkhoulou, la bidounia. Tu ne les vois plus, c'est fini. Même la petite part, ils ne vont pas la donner pour Allah Azzawajal de venir en vérité dans la mosquée, par exemple. Ou d'être, de vivre comme un musulman. Donc en vérité, c'est l'occasion, le fait qu'ils sont là, de leur faire dawa, les appeler. Et le Nabi Samir, c'était le plus généreux. Il est encore plus généreux pendant le mois du ramadan. Donc c'est générosité, en vérité, il faut donc la faire. Et appeler, enseigner au djahil, ta'lim au djahil, le anna. الجهوة الذي الآن ينتشر عند المسلمين المنتشر الآن عند المسلمين الجهل كيف énormément répandu réellement donc maintenant chez les musulmans c'est l'ignorance أكثر الناس يسألون الأسئلة نستغرب يقول مثلا أنا أصلي منذ 10 سنة فيعرف القليل من الدين الله عز وجل من دين الله عز وجل صفر en tant qu'il prie pourtant en vérité il connaît très très très peu de choses il y a un décalage entre tout le temps qu'il a prié et la connaissance qu'il a. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il appris? Et quels sont les rôles aussi? Quels sont les rôles des imams déjà par rapport à cela en vérité? وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْرِفْقِ وَالْحِكْمَةِ وَالْأُسْلُوبِ الْحَسَنِ يعني يأمر بالصلاة ينهى عن المسكات مثلا بالأداء بالكلام الطيب لا يكون خشن ولا يصب يتكلم بقال الله وقال الرسول برفق فقط وبالأسلوب الحسن لا يتكلم أمام جميع الناس بصوت مرتفع مثلا حتى يستحي الشخص الذي يتكلم معه donc il va venir en vérité il va parler donc avec douceur avec sagesse et de la meilleure façon il va pas venir avec une voix difficile donc il va ordonner de prier il va interdire de prendre de l'alcool mais il va faire de la meilleure façon. Il ne va pas l'insulter devant tout le monde. Il ne va pas l'écraser, il ne va pas le rabaisser devant les gens. Il va venir avec la bonne façon. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحذر من جميع السيئات ولزوم التوبة والاستقامة على الحق. Et aussi, bien sûr, il va aussi prévenir et se prémunir contre en vérité tout ce qui est mauvais, tous les péchés. Et aussi donc de revenir à Allah Azza wa Jal, du repentir, le zoom et tauba. Allah Sam Nabi, Salah Sam Kanaya, Safra Allah Azza wa Jal, Sibana Mara, Aumant Mara Yanfisha. N'est-ce pas que le prophète, il fait l'homme Afwan, n'est-ce pas que le prophète, c'est ça, donc 70 ou 100 fois, il demandait pardon à Allah Azza wa Jal. Il donne chassé à tout bien Allah Azza wa Jal. Wa Allah Azza wa Jal, wa huwa al-ghafur al-wadud. Al-ghafur al-wadud. Ou l'autre, akbar, ou yani, ablah, min al-hub. Fa Allah Azza wa Jal, karrana baina al-ghafur al-wadud. Limada? لأن الله عز وجل يحب كثيرا التوابين لذلك قال يعني وهو الغفور الودود الله عز وجل aime beaucoup ceux qui se repentent il aime beaucoup c'est pour ça qu'Allah dit et il est le pardonneur et celui qui aime beaucoup pourquoi ces deux attributs ces deux qualités elles sont rassemblées dans ce verset car ça veut dire qu'on a dit Allah aime beaucoup quoi donc Allah justement aime beaucoup ceux qui se repentent Allah aime beaucoup ceux qui se repentent الغفور الودود الودود donc il aime beaucoup, et elle rafraud ceux qui ont demandé pardon, et il pardonne beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, donc istiqama ala al-haq, wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Donc revenez, ou repentez-vous tous à Allah, aux croyants, en espérant que vous allez avoir la réussite. La'allakum tuflihun. Fa tawba sababun il-falah. Sababun il-falah. وكذلك من صفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون قد أفلح من زكاها كذلك هو زكى نفسه donc ici Allah عز وجل donc il dit bien en espérant que vous allez atteindre le va être la réussite j'espère qu'Allah a bien dit قد أفلح المؤمنون ont réussi les pieux et aussi a réussi celui qui s'est purifié celui qui a purifié son âme donc vous voyez qu'on va être ce mot là donc justement sié aux croyants Il dit aussi عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Il dit aussi عز وجل et on va terminer avec ce verset c'est ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et puis ils ont pris le droit chemin donc ils se sont rectifiés ils n'auront nulle peur et nulle tristesse لماذا الله عز وجل كثيرا يذكر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون فيما مضى فيما يعني ذهب من الماضي Vous savez pourquoi Allah عز وجل mentionne ces deux donc ces deux points là ces deux caractéristiques hein, donc ces deux en fait c'est des ressentiments ces deux sentiments lorsqu'il dit beaucoup donc لا خوف عليهم ولا هم يحزنون On retrouve énormément dans le Coran. Ils n'auront nulle peur et ni tristesse. Nulle peur de ce qui va devenir. Et nulle tristesse de ce qui s'est passé. Donc la peur, c'est pour l'avenir. Ta peur, est-ce que tu as peur de ce qui t'est arrivé auparavant? Non, tu es attristé de ce que tu as fait de mal auparavant. Mais tu n'as pas peur. Mais tu as peur de ce qui va devenir. Vous voyez? Donc la peur, c'est par rapport à l'avenir. Et la tristesse, c'est par rapport au passé. Fa'ida jumi'at al-khawf. أو إذا جمع يعني الخوف والحزن في شخص لا يستطيع أن يعيش معيشة طيبة كذلك. Et si ces deux attributs là, ces deux éléments là, donc ces deux ressentiments, vis toi avec la peur et avec la tristesse, tu n'arriveras pas à vivre. C'est pour ça qu'Allah dit nulle peur et nulle tristesse. Il enlève ce qui est le plus difficile à avoir. La peur et la tristesse peuvent amener facilement les gens à l'hôpital psychiatrique. Le fait qu'il ait énormément peur de tout. Et qu'il est en plus énormément attristé. Qu'est-ce qui lui reste? Il est tellement triste qu'il désire, il dit quoi? Il désespère de quoi? De la miséricorde d'Allah. Ça, là, là. Il a tellement peur qu'il va désespérer. Il a tellement peur que cette peur, elle le ramène aussi à cette tristesse, et en réalité, il désespère totalement de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est parmi les attributs les plus importants, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut de base. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et ceux-là, ils ne sont pas là. Ils ont peur, et ils ont quoi aussi? Et ils sont tristes. Et si ces deux-là sont rassemblés sur une personne, il ne peut pas vivre normalement. Il n'arrivera pas à vivre normalement. Après Allah, il dit, donc, ce sont eux les gens du paradis qui vont y demeurer éternellement. En récompense de ce qu'ils ont fait, de leurs œuvres. Bima kanu ya'malun. Il donne l'amal, huwa al-matlub. Bima kanu ya'malun. L'amal, huwa al-matlub. Donc, de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est l'œuvre qui est en vérité demandée. Allah Azza wa Jalla nous demande de vrai. Nous demande de vrai. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته